Examen 1. Compréhension de l'oral. Exercice 2. Bonjour, c'est un message pour Monsieur Claude Guillou. Ici le cabinet dentaire Aducari. Nous vous rappelons que vous avez rendez-vous avec le docteur Jacquet mercredi prochain à 18h15. Si vous ne pouvez pas venir, merci de téléphoner au 02 99 56 98 94. Au revoir.